t'as le choix ou t'as le droit d'être précis ou de rafaler. À cause de toutes ces balles qui sifflent, on s'entend même plus parler. Histoire de gun à cause d'un mec qui paye pas. Si l'illicite du pays hausse, ben c'est la faute du pays bas. Les FABIB, symphonie des chargeurs, que seul ton index peut connaître. On te loge une balle sous la pommette, 93 ou Jaconnette. Les sanguinaires finissent au coup de schlasse, le commencement d'un coup de crosse. La scène du meurtre est atroce, en passant laisse l'avenue propre. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai si tu vas mal finir. Les avertissements commencent toujours par une balle dans le fémur. Les balles perdues traversent ta fenêtre en dans ta jambe. Nettoie le canon pour mieux te détendre, traîne qu'avec des mecs déter. Délinquant et fier de l'être, ne jamais compter sur l'autre. Et si on t'a loupé cette nuit, sois sûr qu'on reviendra à l'aube. T'es un bandit trop gourmand, là juste à fournir le dessert. Les AK-47 te défigurent, le légiste bégère. 9-3, tu peux pas t'es, chante la symphonie des chargeurs. Les armes du pays de l'Est chantent la symphonie des chargeurs. MBK des coronaises en la symphonie des chargeurs. Mozart et Dion Pierre chantent la symphonie des chargeurs. 9-3, tu peux pas t'es, chante la symphonie des chargeurs. Les armes du pays de l'Est chantent la symphonie des chargeurs. MBK des coronaises en la symphonie des chargeurs. Mozart et Dion Pierre chantent la symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs marche et vit avec le seum. Un tel amour pour la violence que certains sodomisent leur gueule. Pas touche un autre, on peut te faire un truc de dingue. Binôme s'en fout que tu sois bilingue, une bastos par n'importe quelle langue. La triade qui t'exécute, fusillade les doux discutent. Le récital d'un son qui tue, la balistique me récupère. La vengeance, un plat qui se mange froid, ça peut pas périmer. Viens en mariage ton pire ennemi, et des pourrailles sans plaire ennemi. Raid, M ça fait unique, comment ça se fait que j'ai surimé. Photoma, je préfère aller braquer qu'être intérimaire. La symphonie des chargeurs à la Montana Tony. Cladaron, rien qu'à là, j'aurais pris une rafale dans mon lit. Dans mon avant de faire une dinguerie, un, consulte un, le gang de cul-de-sac, tu trembles. Trois, la suite, clip bang, symphonie de l'horreur. Même les types peuvent garder séquelles, même les sources mettent à tes cales. Représailles, refrédailles. 9-3, tu peux pas t'es, chante la symphonie des chargeurs. Les armes du pays de l'Est chante la symphonie des chargeurs. MBK des coronaises en la symphonie des chargeurs. Mozart et Dion Pierre chante la symphonie des chargeurs. 9-3, tu peux pas t'es, chante la symphonie des chargeurs. Les armes du pays de l'Est chante la symphonie des chargeurs. MBK des coronaises en la symphonie des chargeurs. Mozart et Dion Pierre chante la symphonie des chargeurs. Jean Bronze était déçu. La vue du nerf de la guerre, c'est des T-Max qui tirent dessus. Je crèverai là où j'ai vécu. Les malicieux, c'est avec des mots qui te couillent. Les haineux, c'est avec des balles qui te douillent. Dans les embrouilles, tu portes tes couilles, pas tant dire aïe. C'est la bite, celui qui t'a carotte. Prends le périph' à 2,40. Compte lui faire goûter le carrelage ou buire de la salade. Pourtant, t'as bien entendu. Aïe, salade, aïe, salade. Mais toi, t'en bats les couilles, tu veux juste rafaler. T'es sur les nerfs, regarde pas rouge. Donne le feu vert, crève au feu rouge. La poule a huri, a peuré, se met à pleurer, putain. Es-tu conscient de tes limites? Tu sens ton père en millilitres, c'est juste une question de mini-minute. Ici les armes sont militaires, la mort est sur les lieux du drame. Souvent les plus gentils qu'on canne, va pas attendre Ryu pour Ken. Ken sans ça, il sent qu'on s'aime. Tu connais bien le scénario gros. T'es ma, t'es max, t'es ma, t'es mal, t'es où, t'es mort. 9-3, tu peux pas t'es, chante la symphonie des chargeurs. Les armes du pays de l'Est chante la symphonie des chargeurs. MBK des coronaises en la symphonie des chargeurs. Mozart et Dion Pierre chante la symphonie des chargeurs. 9-3, tu peux pas t'es, chante la symphonie des chargeurs. Les armes du pays de l'Est chante la symphonie des chargeurs. MBK des coronaises en la symphonie des chargeurs. Mozart et Dion Pierre chante la symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs. La symphonie des chargeurs.